إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous poursuivons l'étude du livre L'Exposé de la Sunnah de l'imam al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à la parole Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit: aucune excuse pour celui qui commet un égarement en pensant que telle est la guidée, ni même pour celui qui délaisse la guidée en pensant que c'est un égarement. Les choses sont claires, la preuve a été établie et il n'y a pas d'excuse. Donc ça, c'est le athar de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Et le sens de ce athar nous fut résumé par l'imam al-Barbahari lui-même lorsqu'il nous dit, juste après avoir cité ce athar, ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont établi toute la religion qui a été clairement exposée aux gens. Donc les gens doivent uniquement s'y conformer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué et clarifié le Coran et la Sunna. Et les compagnons ainsi que les savants de cette communauté qui les ont suivis firent de même. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction rapprochée du verset, dit: voici ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Donc, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ses compagnons. Et ensuite, les savants de la communauté ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dans l'explication et la clarification de la législation. Néanmoins, il faut bien comprendre le athar de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agré. Car son sens apparent est que quiconque tombe dans un égarement ou délaisse quelque chose obligatoire ne sera pas excusé. Il faut donc expliquer ce athar pour savoir de quoi il est question. Mais avant cela, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas un peuple avant qu'il soit averti. C'est-à-dire qu'il ne châtie pas un peuple avant qu'ils aient été avertis par les prophètes. Il y a de nombreuses preuves indiquant cela. Parmi elles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ma'ashar al-jinn wal-insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Ô assemblée des djinns et des hommes, des messagers pris parmi vous, ne sont-ils pas venus vous exposer mes versets et vous avertir de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous en témoignons contre nous-mêmes. La vie d'ici-bas les aura trompés, et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Car ton Seigneur n'anéantit point de cités tombées dans le polythéisme, dont les habitants n'ont pas été avertis auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans sourate Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Nous n'avons jamais châtié aucun peuple sans lui avoir au préalable envoyé un messager. Et ce type de versets sont très nombreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même mentionné dans le Coran que tous les gens de l'enfer n'ont aucune excuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Mulk, Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in in antum illa fi dalalin kabir. Chaque fois qu'un groupe y sera jeté, c'est-à-dire en enfer, ses gardiens leur demanderont: ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils répondront si. Un avertisseur nous est venu, mais nous l'avons démenti et avons dit, Allah n'a rien révélé et vous êtes dans un égarement manifeste. Il dit aussi, Azza wa Jal, dans sourate les groupes, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Ceux qui auront mécru seront conduits par groupes successifs vers l'enfer. Dès qu'ils y parviendront, ses portes s'ouvriront, et ses gardiens leur diront, « Des messagers pris parmi vous, ne sont-ils pas venus vous exposer les versets de votre Seigneur et vous avertir de la rencontre de ce jour ?» Ils répondront, « Oui, mais la sentence du châtiment s'est accomplie contre les mécréants. » Ces versets nous montrent que ceux qui se feront châtier n'auront pas d'excuses. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et a fait descendre des livres. Si tu comprends cela, alors sache que l'éminent savant, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a résumé un fondement de cette religion dans ce sujet. Il nous dit dans son livre intitulé « Al-Jawab al-Sahih », après avoir mentionné quelques preuves, il dit « Ceci indique que la cause de leur châtiment, c'est-à-dire le shirk, est présente. Cependant, la condition du châtiment est que le message leur soit parvenu. » Fin de citation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas tant que le message ne leur est pas parvenu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, afin qu'après la venue des messagers, les hommes n'aient aucun argument à opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes. Et le dernier d'entre eux est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait descendre des livres. Et le dernier d'entre eux est le Coran. Par conséquent, quiconque ne croit pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'au Coran, ou ne croit pas en l'un des deux, a mécru. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ne pas croire au Coran, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Ceux qui se fondent sur une preuve manifeste de leur Seigneur, suivis par un témoin venu de sa part, et précédés par le livre de Moussa, alayhi salam, qui fut un guide et une miséricorde, ceux-là croient au Coran. Quant à celui parmi tous les groupes qui n'y croient pas, l'enfer les attend. Quant à ne pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le hadith rapporté par l'imam muslim. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, tout juif ou chrétien de cette communauté qui entend parler de moi puis meurt, sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, sera des gens de l'enfer. Avec cette introduction, nous avons vu un fondement important de notre religion, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie personne avant de lui avoir fait parvenir le Coran, et qu'il entend également parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il découle de ce principe plusieurs sujets. Parmi eux, le jugement de ceux qu'on appelle Ahlul Fatra. Ahlul Fatra sont ceux qui ont vécu entre le prophète Isa alayhi salam et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et n'ont pas entendu parler ni de prophète ni de livre. Leur jugement est qu'ils se feront tester le jour du jugement, selon l'avis le plus juste. Car les savants de la Sunna ont divergé quant à leur jugement dans l'au-delà. Et l'avis le plus juste est qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer un prophète. Et ils devront lui obéir. Celui qui lui obéira rentrera au paradis. Et celui qui lui désobéira rentrera en enfer. Et nous avons un hadith qui vient confirmer cet avis. L'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte dans son Musnad, d'après l'Aswad ibn Sari', que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quatre types de personnes le jour du jugement. Un homme sourd qui n'entend rien. Un homme idiot. Un homme âgé. Et un homme qui meurt après une longue période sans messager. Quant au sourd, il dira: ô Seigneur, l'islam est venu et je n'entendais rien. Quant à l'idiot, il dira: ô Seigneur, l'islam est venu et les enfants me lapidaient avec des pierres. Quant à l'homme âgé, il dira: ô Seigneur, l'islam est venu alors que je ne raisonnais pas. Quant à celui qui est mort après une longue période sans messager, il dira « Aucun prophète n'est venu à moi ». Allah subhanahu wa ta'ala prendra de l'engagement de lui obéir, puis enverra quelqu'un leur dire d'entrer en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit ce hadith en disant « Par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main, celui qui y rentrera trouvera fraîcheur et paix. » Et ce hadith est authentique. Et il indique que celui qui a vécu après une longue période sans messager sera testé le jour du jugement. Également, parmi les sujets qui découlent de ce principe, il y a le jugement de ceux qui ont vécu après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, ils n'ont pas entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran ne leur est pas parvenu. Comme ceux qui sont coupés du monde, qui vivent en Antarctique par exemple, ou dans des coins très reculés. Leur jugement est le même que ceux qui ont vécu après une longue période sans messager. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » Nous n'avons jamais châtié aucun peuple sans lui avoir au préalable envoyé un messager. Donc ces gens n'ont pas entendu parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et n'ont pas entendu le Coran. Par conséquent, leur jugement est le même que ceux qui ont vécu après une longue période sans messager. Et nous allons finir ces sujets par le jugement des musulmans qui vont rejeter quelque chose de la religion apparent et notoire. Dans cette situation, il y a plusieurs types de personnes. La première est celui qui vient de se convertir à l'islam. Son jugement est qu'on doit lui clarifier les choses et lui amener les preuves. Imaginons qu'un homme fraîchement converti à l'islam affirme qu'il n'y a pas de jeûne en islam. Cette parole est de la mécréance, car elle contredit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il faut lui clarifier ce sujet et lui ramener les preuves indiquant la présence du jeûne dans notre religion. Par contre, si après cet éclaircissement, il continue à rejeter le jeûne, il sort de l'islam, car ici, il n'aura plus d'excuses. Le deuxième type de personne, celui qui vit dans un endroit lointain, où il n'y a pas de science. Dans ce genre d'endroit, parfois certains vont ignorer des choses de base de la religion. Et ceci me rappelle une anecdote qu'avait citée l'un de nos mashayikhs, qui n'est d'autre que Cheikh Fadl al-Adani rahmahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un jour, pendant le mois de Ramadan, le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, partit prêcher dans un village éloigné, en compagnie de certains étudiants en sciences. Ils arrivèrent dans l'après-midi et les habitants de ce village furent très heureux de les voir et leur souhaitèrent la bienvenue comme cela est connu au Yémen, ahlan wa sahlan, marhaban bikoum, hayakumullah, etc. Puis l'un d'entre eux dit aux mashayikh et aux étudiants en sciences, je vous en prie, venez manger. Et les mashayikhs et les étudiants s'étonnèrent de cette parole. Comment peut-il nous proposer à manger alors que nous sommes dans le mois de Ramadan? Néanmoins, personne nous a parlé. Et l'homme réitéra sa demande. Je vous en prie, venez manger. C'est alors qu'une personne prit la parole et dit, mais Nous sommes dans le mois de Ramadan. Et les gens du village de dire, mais qu'est-ce que Ramadan ? Subhanallah. Ils ignoraient le mois de Ramadan. Donc dans ce cas, la personne sera excusée par l'ignorance. Jusqu'à ce que ces choses qu'il rejette lui parviennent. Néanmoins, s'il continue de les rejeter, après qu'on lui ait clarifié les choses, il ne sera plus excusé. Le troisième type de personne est celui qui vit parmi les musulmans, qui entend les sermons, les conférences, les cours religieux et autres. Qu'en est-il s'il rejette quelque chose apparente et notoire de notre religion, parmi les choses que personne ne doit ignorer? Dans le cas où les preuves lui ont été établies, il a mécru. Et dans le cas contraire, il sera excusé. Et les preuves à cela sont les preuves citées précédemment. Et nous pouvons également rajouter le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme fut exagérément injuste envers lui-même. Lorsque l'heure de sa mort arriva, il recommanda à ses fils: « Quand je serai mort, brûlez-moi, puis réduisez-moi en cendres. Ensuite, dispersez mes cendres au vent en mer. Par Allah, si mon Seigneur est capable de me ressusciter, il m'infligera un châtiment qui ne fera subir à personne d'autre. » Ils agirent donc de la sorte avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à la terre: donne ce que tu as pris. Et voilà que l'homme fut debout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demanda: qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Il répondit: la crainte de toi, ô Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna. L'éminent savant, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah et d'autres, ont dit que cette personne a démenti la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à le ressusciter et à rassembler ses parties. Et le fait qu'il ait rejeté et démenti la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à ressusciter et à rassembler ses parties, ceci est de la mécréance à l'unanimité des savants. Néanmoins, cet homme était ignorant et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonna. Ainsi, le affaire de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, aucune excuse pour celui qui commet un égarement en pensant que telle est la guidée, ni même pour celui qui délaisse la guidée en pensant que c'est un égarement, les choses sont claires. La preuve a été établie et il n'y a pas d'excuse. Ce affaire concerne l'une de ces deux personnes. La première, celui qui rejette la vérité après qu'elle lui soit apparue et continue à la contredire. Cette personne n'aura pas d'excuse. Quant à la deuxième personne, c'est celle qui n'a pas cherché la vérité à cause de son fanatisme. Il est dans un égarement et s'est fanatisé pour le faux et continue dans cela alors qu'il est dans la capacité de chercher la vérité et de savoir la vérité. Et cette personne n'aura pas d'excuse. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.